décroche pas. Elle fait le hala à mes poches, elle a dans mes poches, elle a, elle me décroche pas. Elle veut que je sois dingo, dingo, dingo, dingel. Et je fais la mala, mala, mala dans le bain. Elle veut que je sois dingo, dingo, dingo, dingel. Et je fais la mala, mala, mala dans le bain. Je garde tout dans mes poches, j'économise, tu vas rien gratter même. Un euro mise, garde tout dans mes poches, j'économise, tu vas rien gratter même.